طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما هو المعلوم بفضل الله وبتيسير منه سوف ندخل في هذا اليوم في دراسة كتاب عظيم الذي هو القواعد الأربعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. Donc par un bienfait d'Allah عز وجل descendu sur nous et par une volonté de lui, inshallah, sauf on va entrer dans l'étude d'un des livres les plus importants parmi les livres de l'islam. وهي رسالة صغيرة صغيرة الحجم وكبيرة المعنى والفوائد. Et c'est un petit livre, c'est-à-dire c'est un petit livre de peu de feuilles mais dont le sens et l'importance est énorme. قواعد الأربعة للإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم. وتعلمون أن قصد إيجاد الخلق، إيجاد الجن والإنس، لا يكون إلا لعبادة الله جل وعلا، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تشركوا ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذه الأدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر عظيم الذي هو العبادة. Et comme la plupart d'entre vous le savent, la cause essentielle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette création n'est autre que pour son adoration. Comme cela a été évoqué dans de nombreux versets et كذلك, comme cela est venu dans de nombreux hadiths. Ça veut dire la base de cette création n'est autre que ou bien Allah subhanahu wa ta'ala il a créé cette création que pour qu'on l'adore. Naam. Wa la yatahaqqaq ibadatullah la tatahaqqaq illa bil ilm. Et personne ne pourra atteindre l'adoration d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est avec la science. Naam. Wa al-ilm nour. Naam. La science est une lumière. Bihi yahtadi an-nas fi dhulumat al-layl. Et de par la science, les gens se guident même s'ils sont dans les ténèbres de la nuit. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في ظلمات ليس بخارج منها. Est-ce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, est-ce que celui qui marche avec une lumière venant de nous, العلم البصيرة والحكمة, avec une lumière venant de nous, est comparable à celui qui est enfoui dans les ténèbres. نعم. العلم بهذه الأشياء واجب. Le fait de connaître ces choses-là, comme le tawhid, ou l'aqida, ou l'ibada, هذا واجب على كل مسلم. فلهذا كان العلماء اعتنى أو اعتنوا بمثل هذه الكتب النافعة تدريسا وحفظا وشرحا ومراجعة وغير ذلك. C'est pourquoi les ulama, ils ont eu une attention particulière portée sur ce genre de livres, les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab et autres, parmi les livres qui résument ou qui évoquent les bases de la aqida et les bases du tawhid. نعم. فهذا كتاب القواعد الأربعة ومن باب الفائدة يعني المؤلف له عدة تصانيف. L'auteur, il a beaucoup d'ouvrages. نعم. ومن أول ما كتب ما هو أول كتابة؟ كتاب التوحيد. Parmi les premiers de ses ouvrages qu'il a écrit, كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك قواعد الأربعة وأصول الثلاثة وأصول الستة. تمام؟ فأول ما كتب كتاب التوحيد. فلهذا إذا درسنا كتاب التوحيد قبل قواعد الأربعة ما فيها إشكال. Et c'est pourquoi si on étudie Kitab Tawhid avant Qawaid al-Arba'a, c'est pas un problème. وإن كان عادة المشايخ لا سيما في ديار اليمنية على أنه يقدم قواعد الأربعة على كتاب التوحيد. Même si la plupart des mashaykh, surtout au Yémen, ils ont l'habitude, lorsqu'ils enseignent le Tawhid aux gens, de commencer par Qawaid al-Arba'a. نعم. لأنه كتاب صغير وأسهل من كتاب التوحيد. Il est plus simple que كتاب التوحيد. Donc c'est mieux de commencer par cela. نعم. طيب. طيب وكذلك كوننا ندرس القواعد le fait de qu'on étudie les قواعد comme on l'a évoqué dans le درس précédent concernant أصول التفسير يعني أن القواعد إذا درست قوي العلم وقوي الفهم وقوي العمل. Le fait d'étudier les bases de cette science, ça a pour fruit que cette science soit plus ferme chez la personne qui l'étudie. وكذلك, sa compréhension est meilleure. Sa compréhension est meilleure. نعم. وقد تذكرنا أن من حرم الوصول حرم ماذا؟ الوصول. Celui qui a été privé des bases, il sera privé de ماذا؟ On avait dit quoi, Mala? Voilà, de l'ascension. Non. Il sera privé de monter dans les degrés les plus hauts dans la science. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de base. وكم من ناس طلعوا على المنابر وفتحوا الدروس وتجد أن أصولهم زائلة ليس لهم أصولا فلهذا وقعوا في أخطاء فاحشة. Et combien vous allez trouver de prédicateurs? Ils montent sur les manabir où ils ouvrent énormément de cours et tu vois qu'en vérité ils ne reposent pas sur des bases solides. Et c'est pourquoi tu les vois tomber dans des erreurs يعني, qui peuvent atteindre des niveaux énormes. نعم. فلهذا الذي درس وفهم القواعد بنى علمه على شيء راسخ C'est pourquoi celui qui étudie les qawaïd, les bases, lui, il construit sa religion sur une chose ancrée, ferme. Ma ya'tik wahid yani tafih ou wahid yani malahu ilm bi shubha bi adna shubha wa ya'khudhuk. Quand tu as des bases solides, personne après, il peut venir avec une moindre ambiguïté te sortir du droit chemin. نعم. فعلم الأصول والقواعد أمر مهم جدا. نعم. طيب. فبدأ المؤلف عليه رحمة الله بالبسملة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بدأ بالبسملة. وهناك فرق بين البسملة والتسمية. تذكر يا سفيان؟ Il y a une différence entre la basmala et la tasmiya. C'est quoi la basmala et c'est quoi la tasmiya? أحسنت أحسنت. نعم التسمية قولك بسم الله. تمام. والبسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسمى البسملة. أما التسمية قولك بسم الله. طيب. فعند الأكل ماذا يشرع lorsqu'on doit manger? Qu'est-ce qui est légiféré de dire? البسملة أو التسمية يا بلال؟ التسمية. أحسنت. بسم الله. ما تقول قبل الأكل بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، تقول بسم الله. تفضل. نعم. وقبل ماذا؟ قبل الوضوء. قبل الوضوء التسمية ولا البسملة يا جعفر؟ التسمية. التسمية. أحسنت. بسم الله. تتوضأ. نعم. أحسنت. أحسنت. لما تنزع الثياب تقول التسمية. نعم. طيب. وعند طيب لا quand on dit يعني quand tu dis بسم الله الرحمن الرحيم cette formule là elle a un nom. On l'appelle en arabe البسملة. عرفت البسملة. Ça, c'est spécifique à ta parole quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tamam? Et quand tu dis Bismillah, juste Bismillah, sans évoquer ar-Rahman ar-Rahim, et bien ça s'appelle la tasmiya. Tamam? Donc la tasmiya, elle est légiférée lorsque tu, avant de manger, ou comme Ja'far il a dit, quand tu enlèves tes habits, ou même quand tu les portes, ou avant de faire les ablutions. والبسملة تشرع متى؟ البسملة متى تشرع؟ قراءة القرآن. Lorsque tu veux lire le Coran. ما تبدأ السورة وتقول بسم الله ويلا. لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ هذه فائدة يعني يسيرة. طيب. المهم المؤلف بدأ يعني رسالته هذه بالبسملة. طيب ولماذا بدأ بالبسملة يا محمد؟ لماذا بدأ المؤلف بالبسملة؟ الله أعلم. أحسنت. من يعرف؟ نعم هو بدأ il a commencé son livre, l'auteur il a commencé son livre par dire par évoquer la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, afin de rechercher par cette évocation la bénédiction d'Allah dans ce qui va suivre. Wa hada ya ikhwani hada mimma yanbaghi 'ala al-'abd an ya'mala. Idha turidu an tukallim shakhsan fi mawdi'in muhim an tabda bil basmala. Si tu veux parler à une personne d'un sujet important, يعني أي أمر مهم تقدم بين يديه الخطاب بالبسملة. Tu commences avant de parler بالبسملة. وهذا مشروع. Et ça, c'est légiféré de commencer par البسملة afin justement de susciter ou d'attirer la bénédiction d'Allah Azza wa Jal dans ce qui va suivre, comme parole ou comme écrit. نعم. Donc ça, c'est la première des raisons. ثانيا يعني موافقة للسنة et afin d'être en concordance, donc l'auteur il a commencé son livre par la basmala, tout d'abord pour attirer la bénédiction d'Allah, وكذلك pour être en conformité avec la sunna, car le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il envoyait des lettres au roi de son époque comme Najashi ou كسرى وغيرهم كان يقدم قبل الكلام البسملة. Il avait l'habitude de commencer par البسملة. Est-ce que le prophète il écrivait de lui-même مكة؟ الله أعلم. هذا لابد أن تعلم يا مكة. هذا لابد أن تعلم. هذه عقيدة. Il était illettré. Il était illettré. Tamam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était illettré. Qu'est-ce que ça veut dire, illettré? C'est pas lire. Ni lire, ni écrire. Naam. Ni lire, ni écrire. Tamam. Et Inch'Allah, peut-être dans un des cours, on peut peut-être le voir ici. Quand on dit ni lire, ni écrire, en vérité, il faut dire il ne savait pas lire les écrits. Il ne savait pas lire les écrits. Parce que lorsque tu lis le Coran, tu fais de la lecture. وكان يقرأ ويعرف القراءة والتجويد وكل شيء من ذلك. فهمت? Donc on ne peut pas dire qu'il ne savait pas lire d'une manière globale. Ça en langue arabe. Hein. Parce qu'en langue arabe, quand tu récites le Coran, tu le lis. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة لكن ما كان يعرف القراءة المكتوب. Il ne savait pas lire les choses écrites. Donc le prophète, quand on dit qu'il envoyait des lettres au roi et que ces lettres étaient précédées de la basmala, c'est-à-dire qu'il faisait écrire son script et il lui ordonnait de commencer par la basmala. Donc c'est une sunna. Naam. Wakadhalika. Pourquoi il a commencé par la basmala? On a dit pour la baraka, pour la sunna, pour évoquer le nom d'Allah. Parce que c'est un commencement. Quand tu commences la chose, tu dis de la sunna. Parce que c'est un commencement. Hein? Comme un fil Coran. Iqtida an bil Coran. Parce qu'il a aussi pris exemple sur le Coran. Toutes les sourates du Coran, elles commencent par al-basmala. Mohammed, là, Ahsant. Toutes les sourates du Coran, elles ne commencent pas par al-basmala. Il n'y en a qu'une seule qui, ou plutôt, elles commencent toutes par al-basmala, sauf une. C'est laquelle, Riyad? Quelle est la sourate qui ne commence pas par al-basmala? Aïe, Taïb, صاحبنا اي سكال السورات كي نكومونس با بار لا بسمله اي نعم سورات البراءه سورات التوبه سورات التوبه سي لا سول سورات كي نكومونس با بار البسمله سا سي دي بتيت فوائد يعني نراها بسيطه وفي الحقيقه لها ميزتها سي دي بتيت فوائد اون لي فوا كوم سا سامبل مي ان فيريتي سي دي شوز ا كونيتر. C'est pas quelqu'un demain, il vient et te dit, maintenant, c'est quelle sourate dans laquelle il y a 350 versets? C'est laquelle, Asma? 350 ou bien il te dit, ouais, je cherche la sourate dans le. Même où Allah, il parle dans le verset 301. Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. de son ombre-là. Tamam. فكل هذه الأشياء لابد أن تعرفها. Tamam. على كل حال, طيب, on a dit donc pour la baraka, pour faire descendre la baraka. كذلك اقتداء بكتاب الله. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اقتداء بالأنبياء. هذا الذي كنت تريد؟ أيش كنت تريد؟ نعم, وسنة المؤلفين. Donc on a aussi le fait que les prophètes avaient l'habitude de commencer par al-basmala. Les prophètes avaient l'habitude de commencer par al-basmala. Ou al-dalil? Harun? Ou al-dalil? Hein? C'est surat Naml. Innahu min Sulayman. Innahu bismillahir rahmanir rahim. Naam. Hey, naam. Lorsque Suleyman a écrit à la reine de Saba, qui soi-disant s'appelait Belkis, mais il n'y a aucun dalil sur le fait qu'elle s'appelle Belkis. Naam. Aucun dalil sabit, comme a dit le Cheikh. Là, dans les points, tu dis que c'est une sunna. Le fait de dire aussi que c'est comme le fait de parler que c'est une sunna. Yanni, kif, ma femme. Là, dans les points qu'on a fait, tu dis que c'était une sunna. Naam. كم للخوفة؟ نعم. فهناك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سنن الأنبياء. Ça veut dire que ça te montre encore plus l'importance de cette kalima. Tu vois? Le verset de sourate Naml, c'est le verset combien, Haroun? Ma sourate Naml, aya 30 أظن. أو 20 ما. C'est le verset 20 de sourate 20 ou 30, c'est mal, c'est 30 de sourate Naml. Naam. Et aussi, comme a évoqué Ismaïl, c'est une sunna des mu'allifin, c'est une tradition des auteurs. Kaman, comme qui? Quels sont les auteurs parmi les auteurs des salafs qui ont commencé par évoquer le basmala? Il y a un qui dit le Bukha. Ma kammal. Man huwa le Bukha? Al-Bukhari. Naam, al-Bukhari fi sahih. Al-Bukhari kataba bismillah ar-rahman ar-rahim thumma kitab al-wahy. Naam. Wa kadhalika al-Imam Malik wa kadhalika al-Imam Ahmad fi musnadah wa ghayrihim min al-a'imma wa ghayruhum min al-a'imma. Donc c'est une sunna, كذلك, des auteurs. Naam. Ça fait combien là? 5 points. 5 points. Naam. Taïb. Il manque un dernier point. Pour les, yani parmi les causes pour lesquelles l'auteur est venu, il a commencé avec la basmala. وهو خفي على كثير من الطلبة. Et c'est un point que peu de طلاب font attention à lui. نعم. وهو أنه جاء لهذا لمخالفة المشركين. Il est venu aussi avec cette basmala, cette introduction, pour contredire la manière qu'avaient les gens de les associateurs d'écrire pour se différencier des mouchriquins. Pour se différencier des mouchriquins. Naam. Fahada muhimun jidda. Donc ça c'est important, vraiment très très important. Quand tu veux parler à quelqu'un ou yani, par exemple t'as un problème avec un frère, turid tatafaham ma'ah, فابدأ الكلام بذكر الله عز وجل وأعظم الذكر هذه البسملة. Donc si tu as un problème avec quelqu'un ou une sœur, elle a un problème avec une sœur ou autre, et elle doit absolument avoir une discussion, qu'elle commence sa discussion par l'évocation d'Allah عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجل كما جاء عن عبد الله بن بصر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجد شرائع الإسلام قد كثر علينا فباب نتمسك به. يعني des gens ils sont venus voir le prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont dit certes on voit que la législation de l'islam est devenue lourde sur nous, est devenue lourde sur nous. Indique-nous un chemin, une porte par laquelle on va pouvoir s'y tenir. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. Fais en sorte que ta langue ne soit jamais sèche ou soit toujours fraîche du rappel d'Allah Azza wa Jal. Par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc la personne, à chaque fois qu'elle doit s'avancer à faire une chose ou à dire une chose, qu'elle évoque le nom d'Allah Azza wa Jal. وانظروا كيف بركة بركة الله في هذه الرسالة. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il a mis la baraka dans cette risale. يذكرون أن كتب شيخ محمد بن عبد الوهاب يوجد في جميع الأراضي. Il est évoqué que les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab se trouvent sur tous les continents. Sur tous les continents, tu vas trouver un de ces livres. وفي تلك الأزمنة ما فيها النت وما فيها يعني مطابع ضخمة وغير ذلك. كلها باليد. ومع ذلك نشر علمه في جميع الأقطار. Malgré qu'il n'y avait pas d'imprimante, malgré qu'il n'y avait pas d'internet, malgré qu'il n'y avait pas toute cette technologie qu'on a aujourd'hui, la science de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ces petits écrits qu'il devait écrire à la plume, ils se sont propagés sur yani, la totalité des continents. Hatta wahid min ad-du'at min ahl al-Najd lamma rahila ila qura min ila qarya min al-qura fi Afrika tafaja'a lamma wasala fi qarya laysa fiha kahrab wa laysa fiha تطورات أي شيء مما نعرفه نحن فوجد عندهم بعد رسائل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. Un des prédicateurs saoudiens, un jour il est parti faire une da'wa en Afrique. Il est tombé dans un village où il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien du tout parmi la technologie qu'on connaît. Mais malgré tout, il a trouvé chez eux des rasa'il de Mohammed ibn Abdul Wahhab. N'aim. Fa al-baraka min Allah azza wa jal. Al-baraka min Allah azza wa jal. La min ghayra. L'insan, il doit se mettre ça dans la tête. Que la baraka, elle vient d'Allah azza wa jal. Et pas d'autre chose. Fa la baraka, tajlibuha bit-ta'a. Wa tamziquha bil-ma'siyah. Donc la baraka, la bénédiction d'une chose, tu l'attires avec les bonnes actions. Et tu la détruis avec les péchés. N'aim. Taïb. Wa inshallah, naktafi bi hadha al-qadr fi hadha al-kitab. Wa na'khudh al-kitab thani.